petite maison bleue est envahie de silence. La maison de mon enfance me fait mal quand je la vois. C'est pourtant plus fort que moi. J'y retournerai sans doute. Je reprendrai cette route qui mène à mes souvenirs. C'est ici que j'ai grandi, que j'ai découvert la vie. Ces beaux jours s'enfuient déjà. Petite maison bleue, à mes yeux reste la même. C'est ici que ce que j'aime ont connu des jours heureux. Ma jeunesse est restée. C'est resté là, quelque part dans ce jardin, la petite maison bleue est envahie de tristesse, mais elle est pour moi comme même la maison des jours heureux. Maison des jours heureux. Des jours heureux.